Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La grande vadrouille, la comédie fait de la résistance. Augustin et Stanislas, Louis de Funès et Bourville, but alors, you are French, you are not English. La grande vadrouille de Gérard Houery est un immense succès en 1966, un succès qui n'a jamais cessé depuis, même s'il n'y a pas d'hélice, et là c'est la Kélos. Un de ces films qui pose des questions. Comment représenter la résistance après la guerre? Quelle place pour la comédie dans l'histoire de la représentation de la résistance? Des tas de questions, oui, et notamment, where is Big Moustache? Sylvie Lindeperg, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que la représentation de la résistance est contemporaine de la résistance? C'est-à-dire que déjà, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un travail de réflexion sur comment représenter l'acte résistant. Dès la période d'occupation, oui, on va se construire en tout cas sous la forme un peu de la rumeur et du fantasme, un imaginaire de la résistance. Et parallèlement, quelques prises de vue sont mises en œuvre, notamment dans les maquis de l'Ain et le maquis du Vercors. Donc quelque chose est en train de se construire, ces images étant, pour celles du Vercors, fabriquées en vue de la période de libération, dans le cadre d'une sorte de bataille de mémoire qui va se mettre en place. Oui, parce que la bataille de l'image est déjà là, la bataille essentielle que nous connaissons lors de tous les conflits, bien sûr. Hein, dans les deux camps, il y a ce que l'on peut appeler de la propagande. Mais pour la résistance, vous évoquez, Sylvie Lindeberg, l'idée de mettre en place des moments, des faits, c'est quoi ça en fait? C'est l'action qui prime à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faudrait montrer? Qu'est-ce qu'il faut conserver? Pendant la période de l'occupation? Oui, pendant l'occupation. Pendant la période de l'occupation, il y a très peu d'initiatives qui sont prises en matière cinématographique, pour des raisons assez évidentes. Les caméras sont lourdes, c'est une entreprise extrêmement dangereuse et il ne faut pas laisser son visage fixé sur la pellicule. Néanmoins, il y a une réflexion sur cette question-là et l'idée aussi de mettre en avant l'action de tel ou tel groupe, hein, de la résistance gaulienne, de la résistance intérieure, des communistes, hein, qui sont les premiers à préparer ce moment où ils vont pouvoir exploiter la légitimité venue de la résistance. Et parallèlement, il y a une guerre de propagande, mais qui passe beaucoup plus par les écrits, par Laurent Douzou en parlerait mieux que moi, et par la photographie également, dans les journaux clandestins. Ça tombe extrêmement bien, parce que Laurent Douzou était avec nous ce matin dans le Bonjour. Corps d'histoire. Bonjour. Mais c'est vrai, hein, dans l'acte de capter l'image, au moment de l'action, ça demande un courage fou. L'action est là en premier. S'il faut faire sauter une voie ferrée, on se dit l'urgent n'est pas de filmer. Il y a eu, malgré tout, quelques caméras qui étaient là. Il y a eu quelques caméras, mais il faut comprendre que la résistance sort des limbes avec une extraordinaire difficulté. Et donc 40, 41, 42, il faut essayer de survivre. On a autre chose en tête que de fixer des images. Par contre, 43, là on voit que la résistance qui est moins pauvre, qui est mieux dotée, qui est plus structurée, est capable de penser que les images ont un poids. Alors il y a la contre-propagande fondamentale, c'est les écrits, mais le 11 novembre 43 à Oyonnax dans l'Ain, quand les maquis de l'Ain défilent très brièvement et avec des risques énormes, on prend le risque de filmer cette séquence. Et ça a une très grande signification, parce que c'est l'époque où Philippe Henriot martèle que ce sont des terroristes, que ce sont des sanguinaires, etc. Et puis des gens sans foi ni loi. Or, que montrent ces images? Une troupe aussi organisée que possible, qui défile en bon ordre, qui a des repères, 14-18, qui rend hommage à ses anciens, etc. Autrement dit, la bataille, là, elle se fixe, mais elle se fixe pas avant 1943, et elle se fixera jamais beaucoup, parce que comme l'a dit Sylvie Lindeperg, au fond, on peut filmer que les maquis. On va pas filmer quelqu'un en train de faire des faux papiers ou ça a pas grand sens. Alors, Défense de la France fera des photographies très remarquables. Ils sont à peu près les seuls à avoir fait ça, d'action, enfin sur le vif. Alors, ça peut être des gens qui sont au maquis, ça peut être Michel des faux papiers, enfin peu importe. Eux, ils ont compris que la photographie, ça avait une vraie vertu. Et dans les publications clandestines, les feuilles clandestines, Libération, Combat, Franc-Tireur, dès qu'ils le peuvent, c'est en 43 essentiellement, on a des photos. Ce qui représente un tour de force technique, parce que faire des photos sur ces feuilles qui sont imprimées à la va comme je te pousse, etc., c'est pas simple, mais ils le font. Par exemple, il y a des photos de camps de concentration, où il y a des photos de défilés de maquis, où il y a des photos de trains qui ont déraillé, fait des choses comme ça. Autrement dit, il y a une bataille féroce autour de l'image, mais elle n'intervient que relativement tardivement. Sylvie Lindtberg. Oui, pour poursuivre ce que dit Laurent Douzou, hein, en termes cinématographiques, il y a évidemment une grande rareté d'images et on peut distinguer la période 43 et celle de 44. L'opération d'Oyonnax, c'est véritablement une opération de contre-propagande vis-à-vis de la propagande de Vichy et un appel aussi à la France libre, aux Britanniques, pour armer les maquis. Donc c'est, l'image ici joue un rôle dans le temps présent. Pour ce qui concerne les maquis, le maquis du Vercors, hein, et l'opération qui est lancée au printemps 44, il y a une anticipation cette bataille de l'image qui va se jouer au moment de la libération. Mais pas de fiction, évidemment, à ce moment-là. Peut-être de la fiction dans la littérature, mais quand il est question d'image, Sylvie Lindtberg, il n'y a pas de fiction. Encore, il faut attendre après la Seconde Guerre mondiale, mais très vite. La fiction, c'est quoi? C'est quoi ces premiers films, en fait? Nous sommes dans une idée de narration où l'on mêle des éléments de propagande à une trame narrative plus ou moins solide. Alors, dès la libération de Paris, hein, et jusque, disons, à la fin de l'année 46, il y a toute une vague de films de résistance qui vont contribuer à la construction d'un mythe héroïque de la France sous l'occupation. Il y a un partage à ce moment-là entre les œuvres documentaires et puis la fiction. Alors pour ce qui concerne la fiction, le cinéma, disons, commercial va s'emparer très vite de ce sujet porteur qu'est la résistance en s'inspirant précisément de toutes ces rumeurs, tous ces fantasmes qui ont pris corps pendant la période de l'occupation. Et on a vraiment une vision à la fois épique de la résistance. Laurent Douzou disait tout à l'heure qu'on filmait pas les actions de renseignement ou la fabrication de faux papiers. Pour cette raison-là, non seulement on se focalise sur la résistance et sur le versant héroïque, mais par ailleurs sur un type de résistance, qui est la résistance armée, la résistance la plus spectaculaire. Et ce cinéma-là va fixer assez durablement un imaginaire, en tout cas, du combat de la résistance. Oui, Laurent Douzou, c'est formidable, ces films de fiction, parce qu'ils permettent de montrer, eh bien, justement, ce que l'on entend, mais que l'on n'a jamais vu, c'est-à-dire les actions clandestines. C'est ça aussi qui est intéressant avec la fiction. Alors oui, c'est ce que la fiction autorise. En même temps, la fiction, comme Sylvie Lindtberg vient de le dire, elle ne peut mettre en scène que des choses spectaculaires. Et par conséquent, ça va donner de la résistance une image qui est très faussée. C'est l'image au fond des maquis, les maquis n'intervenant en réalité que très tardivement. C'est l'image d'une résistance armée qui, on le sait, a toujours été ultra minoritaire et là aussi tardive. Mais c'est ça qu'on va mettre très vite en image. Alors, l'archétype de ça, c'est la bataille du rail. C'est-à-dire, c'est un film qui à la fois mêle, j'allais dire, renseignements précis, études documentaires d'une certaine manière, et fiction, parce qu'il y a des plans qui sont tournés qui correspondent à une fiction qu'on met en place. Et c'est très intéressant, parce qu'évidemment, ça, c'est la période 44-46. Et Sylvie Lindtberg a écrit, je souscris à ça, que la veine épique de ce cinéma-là, elle prend fin en 46. C'est-à-dire qu'on a une vague très très forte, mais ensuite elle va se tarir très très vite. Pourquoi? À mon sens, parce que mettre en image la résistance, c'est extraordinairement compliqué. Et que quand on pense, nous, aux grands films sur la résistance, enfin comme moi j'y pense, ceux qui me viennent en tête, ce ne sont pas des films spectaculaires. Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson en 1956, c'est en un sens spectaculaire, mais c'est une aventure solitaire. Vous voyez, L'armée des ombres de Melville, qui est la transcription du livre de 1943, publié par Kessel, c'est pas très spectaculaire non plus. C'est un huis clos qu'on filme. Marie-Octobre de Duvivier, c'est aussi un huis clos. Autrement dit, passer la veine épique de 44-46, ce qu'on va voir se mettre en place, c'est un cinéma qui a beaucoup de difficultés à rendre compte de ce qu'était, dans son épaisseur anthropologique, la vie clandestine. Oui, c'est ça. Hein, la période très courte, en fait, que vous avez étudiée, hein, Sylvie Lindeberg, qui s'arrête en 1946, parce que c'est vrai que nous imaginons souvent le cinéma d'après-guerre comme un cinéma épique qui porte nu la résistance. Il existe, bien sûr, mais cette vague-là s'arrête très vite pour entrer dans un univers beaucoup plus compliqué dans les années 1950-1960. Quel est-il ? C'est un univers où la résistance est représentée, mais avec peu de place à la comédie. Faut attendre la fin des années 1950, j'ai l'impression, pour voir de la comédie surgir. Oui, alors, en écoutant Laurent Douzou, je pensais, alors, au film Paris, au film Le Père Tranquille, qui est réalisé en 1946 et qui va vraiment clôturer cette vague épique et d'une certaine manière inaugurer un genre, celui de la comédie sur la résistance, qui n'aura pas une postérité immédiate. Et ce qui est intéressant dans ce film, réalisé par René Clément, qui vient justement de faire La Bataille du Rail, et Noël Noël, le chansonnier connu de cette époque, c'est que ce film volontairement va proposer une critique de la vague épique et se moquer aussi des clichés du cinéma de fiction qui a précédé. On a ici on a une vision des maquis qui est très ironique, mais le personnage principal, c'est un quinquagénaire pantouflard, Monsieur Martin, qui joue en permanence du double jeu et qui précisément est à la fois le chef d'un réseau, mais on voit jamais ses actions à l'écran et on comprend qu'il est plutôt dans une activité de renseignement. Donc là, c'est déjà une rupture, une transition vers une autre période, avec un film qui s'inscrit par ailleurs dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire il fixe une mythologie héroïque gaulienne avec cette vision d'une France unanimement résistante. Donc c'est peut-être le moment du basculement d'une certaine manière, mais avec un film qui poursuit et qui même enracine ce mythe, qui ensuite va être brisé en effet à partir de 1947, pendant cette période-là. Laurent Douzou. Oui, alors du Père Tranquille, on peut faire une lecture qui peut être assez complexe, parce que le personnage central, qui est Monsieur Tout-le-Monde et qui n'a pas de trait saillant, il se trouve qu'on comprend que c'est le chef d'un réseau. Mais alors, ce qui est très frappant, c'est que personne ne le sait. Autrement dit, ce que ça met en scène, c'est le fait que l'univers de la clandestinité, il est parfaitement opaque pour le reste de la société. Donc là, on n'est pas du tout dans le mythe d'une France unanimement résistante. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe qui est... Au fond, les résistants, pour durer, pour tenir, pour être efficaces, il faut qu'ils restent ignorés de la masse de la population. Et donc, c'est un message qui est quand même, de ce point de vue-là, assez, comment dire, nuancé et, assez subtil. Bonjour. Oui, Laurent, mais en même temps, le film et le ressort de la comédie fonctionnent entièrement sur le double jeu. Oui. Et cette question du double jeu est à la fois un ressort comique, puisque le spectateur devient le complice du réalisateur et des personnages qui savent. Et dans le même temps, il va permettre d'agréger toute la population attentiste, puisque le Père Tranquille est attentiste dehors et résistant dedans. Et René Clément expliquait très bien que l'une des raisons du succès de ce film, c'est qu'il avait permis finalement de conjoindre un besoin de vraisemblance autour de la description de la résistance avec un désir d'un héroïsme fantasmé. Et le film ratisse très large, dans la marge de ce que Kupferman appelait les pétainogaullistes, qui vont adhérer très majoritairement à ce film. Et c'est en ceci qu'il conforte finalement la France héroïque, puisque tout le village est en résistance, à l'exception d'un traître dont on précise qu'il vient pas du village, qu'il est extérieur au village et qui va être exécuté. C'est le pharmacos, le bouc émissaire qu'on exécute et qui va purifier la communauté comme dans la cité athénienne. Laurent Douzou, nous sommes dans une France héroïque dans ces années 1950-1960, mais malgré tout, peut poindre déjà des réflexions, des critiques. On l'a bien vu au moment du scandale autour de Nuit et brouillard, le film de Reynet. 1955 et la sortie en 56, où il y a une réflexion autour de l'action de certains Français pendant la guerre. Il y a une certaine évolution, mais La place de la comédie dans cette histoire-là, pour parler de la résistance, est-elle une évidence? Nous sommes dans les années 50, y a-t-il beaucoup de comédies qui osent parler de la résistance? Tout simplement parce que c'est récent, ces événements-là. Sylvine Depergue est incontestablement plus compétente que moi, mais moi, mon idée, c'est que la résistance se prête mal à une mise en image sur le registre de la comédie. C'est pas le cas de l'occupation, mais il faut bien faire la distinction. C'est-à-dire, quand vous avez une comédie sur l'occupation, vous pouvez faire appel à toutes sortes de ressorts, de clichés, et ça fonctionne assez bien, la Grande Vadrouille le montre. Quand vous parlez de la résistance, utiliser le registre de la comédie, c'est autrement difficile. Et moi, j'ai pas d'exemple en tête de films des années 50-60 qui utilisent ce registre-là pour la résistance. Je parle pas de l'occupation. Alors, il y aura ultérieurement, on en parlera peut-être, des comédies très grinçantes comme Papy fait de la résistance, qui alors là, mettront sur le registre de la comédie la résistance, mais c'est parce qu'on est passé dans une autre phase, c'est une phase ultra critique et qui commence à questionner l'héroïsme de la résistance. Mais là, on est en 1983, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, c'est pour ça, oui. Papy fait de la résistance. Donc on est bien après. Dans les années 50-60, le registre de la comédie fonctionne, à mon sens, pour l'occupation. À mon avis, pas pour la résistance. C'est très important de mettre en place toutes ces réflexions pour comprendre la place de ce film, La Grande Vadrouille, en 1966, dans l'histoire de la représentation. Et vous avez raison, Laurent Douzou, il faut le souligner, non pas tant de la résistance, mais d'une période, celle de l'occupation d'un contexte. Dites-nous, Sylvie Lindeperg, la comédie a pourtant sa place dès qu'il est question d'évoquer cette période sombre, celle de la Seconde Guerre mondiale. On pense à certains films comme Babette s'en va en guerre, hein, le film avec Brigitte Bardot. On est à la toute fin des années 1950, on est en 59. Et il y a de la comédie, mais les gens qui ont vécu cela accueillent de quelle manière ces films où l'on sourit de cette période difficile? Alors, j'aimerais distinguer un peu dans cette période 50-60 deux moments. Hein. Il y a vraiment le moment où la résistance quitte les écrans, très largement. C'est la période de la 4e République installée dans un climat de guerre froide où la résistance n'est plus du tout mise en scène par le cinéma français. Et par ailleurs, lorsqu'elle est évoquée, elle est de manière extrêmement critique. Et on a souvent oublié cette période-là. On voit par exemple des réalisateurs qui avaient contribué à la au cinéma héroïque de l'immédiate après-guerre, comme René Clément, qui réalise « Jeux interdits », donc sur la période de débâcle qui avait complètement été occultée. Et puis les anciens épurés qui reviennent, je pense à Clouzot, hein, qui réalise « Manon ». Et « Manon », c'est vraiment un film qui nous fait passer de la légende rose à la légende noire, de l'épuration, de la libération. Le basculement, il se fait au fond en 1958-1959, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, et c'est une période après celle de la 4e qui est vraiment celle de la désillusion. C'est le prisonnier de guerre qui prend la parole sur cette période-là. C'est celle du réenchantement. Hein, avec effectivement deux branches, celle des drames sur la résistance. Alors Laurent Douzou a parlé de l'Armée des Ombres, on peut parler de Paris brûle-t-il si on veut rester sur la trajectoire de René Clément, mais il y a aussi effectivement des comédies, de premières comédies en 59, avec Babette s'en va en guerre. On est encore dans une période un peu complexe parce que c'est encore la période de la guerre d'Algérie. Et cette comédie qui évoque donc à travers un personnage interprété par Brigitte Bardot, les combats de la France libre, sous la forme d'une comédie, c'est aussi le premier film en scope et en couleur, donc le producteur a mis beaucoup de moyens dans ce film, et on a également le truculent Francis Blanche, qui est un gestapiste, qui arrive à faire rire les spectateurs, mais le rire est encore un peu grinçant pour certains, et les critiques expliquent qu'on peut pas vraiment rire de tels sujets et ajoute à quand une comédie sur les camps de concentration. Donc la réception est à la fois, l'accueil est, est favorable, mais il y a des petites réserves autour de du genre de la comédie. Ce sera pas le cas dans les années 60, au moment finalement de la célébration du 20e anniversaire de la commémoration, une fois les accords de Vichy signés. Et oui, après la guerre d'Algérie, effectivement, c'est une autre période, un autre rapport à ce que veut dire un combat. Et c'est une histoire, évidemment, qui nous conduit jusqu'à la grande vadrouille, une histoire qui marche. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi ? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien ? J'ai du comme vous. Ah bon ? Attendez. Ah, ben là, ça va mieux. Attendez-moi quand même. Mais venez, allons. Il faut que je m'y habitue. Allons, venez, bon sang. Allez. Oh, c'est allemand. Descends. Oh, ben les dents. Heureusement que vous avez du réflexe. Merci. Non, dites. Ah si, merci. Faut goûter. Mais les Anglais ? Quoi ? Mais ils vont se faire prendre. Ah oui, c'est vrai. Ils auraient dû rester avec nous, voyez-vous. Voilà. Voilà, on y va. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Et vous, mes chaussures, ça va ? Oui, c'est un peu large, hein. Ah, excusez-moi, alors. Alors, vous venez ! Un extrait de La Grande Vadrouille. Gérard Oury, le réalisateur, est né en 1919, Bourvil en 1917, Louis de Funès en 1914. Laurent Douzou, au moment de penser ce que veut dire produire, réaliser ou être acteur dans un film sur la résistance, faut prendre en compte ces phénomènes générationnels. Ce sont des gens qui ont connu les événements. Ils savent de quoi ils parlent. Est-ce que ça a une importance, cela ? Est-ce que cela est observé ? Est-ce qu'il y a un écho des vécus personnels dans cette histoire-là de la représentation de la résistance ? Alors très probablement, mais à mon avis, dans La Grande Vadrouille, je vois pas moi ce signe-là. Est-ce qu'avoir vécu cette période, à un âge où vous dites on était déjà adulte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je pense que quand vous jouez la comédie, ça n'a pas de répercussions précises. Parce que pour moi, La Grande Vadrouille, c'est une comédie qui fonctionne parfaitement parce que tous les ressorts sont exploités, parce que c'est fait avec grand talent, parce que les acteurs sont remarquables. Mais je suis pas sûr que ça dise quelque chose fondamentalement de l'occupation. Je reviens au Père Tranquille, dont on parlait tout à l'heure. Ça illustre très bien ce que Pierre Laborie appelait la grammaire du vivre double. C'est-à-dire qu'on est obligé dans ces périodes-là, et je pense que les protagonistes, les acteurs ont dû le faire, de vivre au minimum sur deux registres. Dans La Grande Vadrouille, qui est une comédie, je pense que cette comédie aurait tout aussi bien pu fonctionner avec un autre arrière-plan, un autre décor. Je suis pas sûr, moi, que les acteurs investissent beaucoup de leur expérience personnelle dans le film. Mais ça, c'est un sujet, je pense, dont on peut discuter. Sylvie Lindeberg, c'est vrai que tous ces gens-là ont connu la guerre et c'est très intelligent ce que dit Laurent Douzou. Bien sûr, La Grande Vadrouille, en fait, pourrait être transposée dans un autre contexte de domination. Il y a un jeu de comédie qui fonctionne très bien. En fait, dans ces films-là, il n'y a pas une portée politique gigantesque. Oui, alors, deux points pour filer les remarques de Laurent Douzou. Alors, sur la question générationnelle, il y a quand même un début de collaboration intergénérationnelle, puisque, alors je rappelle quand même que Gérard Oury a co-scénarisé Babette s'en va-t-en guerre, et qu'il travaille cette fois-ci avec sa fille, Danielle Thompson. Et les comédies du milieu des années 60 sont marquées quand même par ce nouveau regard de ceux qui n'ont pas vécu la guerre ou qui ont été, pourrait-on dire, des frôleurs d'événements, parce qu'ils avaient 8-10 ans. Hein, c'est le cas d'autres comédies comme celle de Rappeneau, par exemple, La vie de château, qui sort au même moment. Et c'est en quelque sorte pour ce que disent en tout cas les producteurs de ces comédies, malgré tout aussi la génération des jeunes spectateurs qui ont fait le succès de ces films, ou en tout cas qui ont réussi à recréer un dialogue entre les générations autour de cette période. Ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, il y a massivement une vague de comédies sur la résistance. Hein. Marx disait dans le 18 Brumaire, hein, les grands événements et les personnages historiques se répètent toujours deux fois. Une première sur le mode de la tragédie, une seconde sur le mode de la farce. Et on est là dans la farce, avec un point commun qui est vraiment le ressort de sous cette comédie. Je parle finalement aussi de Babette sans la Vacante en guerre, mais de La Vie de Château, de Martin Soldat, de La Grande Vadrouille. C'est le thème du héros malgré lui. Il y a, et on l'a entendu dans cet extrait, je dirais une petitesse réelle de ces personnages grincheux, râleurs, peureux, et puis leurs ressources cachées. Hein. C'est vraiment cette jonction avec une, oui, entre cette petitesse et cette apothéose rêvée qui va permettre d'abord une identification des spectateurs à ces personnages qui sont pas prédisposés pour accomplir de grandes actions et qui vont néanmoins les accomplir. Donc ça, c'est à la fois un ressort comique qui d'ailleurs génère aussi des stéréotypes nationaux sur lesquels le film joue énormément, dans un décor qui est plutôt effectivement celui du dessin animé que de la fiction réaliste incontestablement. Mais il fonctionne là-dessus, hein, ce thème du héros malgré lui qui est extrêmement porteur et qu'on retrouve dans toutes ces comédies, c'est leur grand point commun. Dans toutes ces comédies, oui, c'est vrai qu'il y a les vrais méchants, collabos et puis allemands, des vrais gentils, d'authentiques résistants. Il y a cette masse énorme qui ne fait rien, sauf si les circonstances les appellent. C'est le cas de Bourvil, de Funès dans La Grande Vadrouille. Laurent Douzou, cela évoque aussi un nouveau regard porté sur la période que fut celle de l'occupation. Dans ces années 1960, on est en 1966 avec La Grande Vadrouille, tout le monde n'a pas été résistant. Non, et je crois que les Français en ont toujours été parfaitement conscients. Je dirais que 66, c'est La Grande Vadrouille, 64, c'est la panthéonisation de Jean Moulin. Je veux dire que là, la messe est dite. On a un héros éponyme de la résistance qui est Moulin, et ça se fait dans la plus grande solennité, et en même temps, on fait des comédies. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est le moment où on n'a pas encore vraiment travaillé sur l'opinion. Donc on reste sur des représentations très schématiques. Vous avez raison, résistant collaborateur et puis un marais qui attend de voir où le vent va tourner. Il faudra attendre encore quelques années pour que l'opinion soit vraiment auscultée, scrutée, grâce à Pierre Laborie essentiellement. Son résistant vichysois et autres, c'est sa thèse 78 publiée aux presses du CNRS en 80, et puis son maître livre 10 ans plus tard qui est L'opinion française sous Vichy. Là, ça bascule complètement, parce qu'on se rend compte que cette espèce de dichotomie qu'on a opérée, elle est d'un schématisme outrancier, et que cette masse dont on se demande ce qu'elle fait, en réalité, elle se détache progressivement du régime de Vichy, que la collaboration devient de plus en plus minoritaire, crainte, etc. Quant au thème du héros malgré lui, il est très intéressant, parce que dans la résistance, il n'y a pas de héros malgré soi. Si vous entrez dans la résistance, vous le faites volontairement. Vous transgressez et vous voulez nuire à l'ennemi. Ça, ce sont quand même des conditions qui font que il faut avoir un tout petit peu réfléchi. Alors, il y a des têtes brûlées dans la résistance, où il y a des gens que les circonstances amènent à être résistants. Mais fondamentalement, il y a un choix qui s'opère, en principe au nom d'une éthique qui peut varier selon les individus, mais qui est une sorte de non possumus, on ne peut pas accepter ça. Et donc je pense que ce thème du héros malgré lui est intéressant parce qu'il montre que dans les années 60, on est encore dans cette zone assez confuse, où on se dit qu'on ne voit pas très très bien comment l'opinion ou la masse des Français ont vécu pendant cette période-là, notamment par rapport à la question de savoir comment on se détermine par rapport à la collaboration et à la résistance. Et puis, au moment de réfléchir La Grande Vadrouille, sa place dans l'histoire de la représentation de l'occupation, voire de la résistance, autant laisser la parole à une résistante, Lucie Aubrac. Évidemment, on s'est trouvé tout d'un coup sur un plan, enfin, on s'est trouvé vedette, en somme, parce que on avait eu quelques actions un petit peu extraordinaires et que ces actions défrayaient la chronique et les articles des journalistes. Mais on s'imaginait pas du tout que ça donnerait lieu à des œuvres de cinéma. En tout cas, on ne l'a jamais imaginé pendant la guerre, parce que pendant la guerre, on avait d'abord quelque chose de primordial, il fallait survivre. C'était ça la chose essentielle. Si on ne pensait pas du tout qu'on faisait du cinéma, on avait bien quelquefois conscience qu'on faisait des actes extraordinaires qui n'avaient rien à voir avec la réalité quotidienne et puis rien à voir avec la vie à laquelle on avait été préparé. Mais de toute manière, on ne s'imaginait pas du tout qu'un jour on serait, on deviendrait des thèmes de cinéma ou des thèmes de roman. C'est évident. Lucie Aubrac qui s'exprimait en 1984, Laurent Douzou. C'est intéressant d'entendre cette réflexion sur l'image du résistant, de la résistante, qui en fait échappe aux acteurs principaux qui ne sont pas du tout dans cette réflexion. Laurent Douzou, vous publiez Le Moment Cordier, comment écrire l'histoire de la résistance aux éditions du CNRS. Et puis il y a aussi votre Lutte clandestine en France qui sort en poche. Laurent Douzou, vous les connaissez, vous leur avez parlé, notamment à Daniel Cordier. Ils évoquent la représentation de tout cela au cinéma. Alors ils l'évoquent, comme Lucie Aubrac vient excellemment de le dire, avec étonnement. Avec étonnement parce que quand on est engagé dans une action de ce type-là, on pense pas un instant à la représentation qu'on en donnera ultérieurement. On peut penser à la mémoire qui est en train de se fabriquer. Ça oui, Pierre Brossolette l'a beaucoup fait, d'autres. On a des écrits de résistants qui réfléchissent à la manière dont un jour on écrira cette histoire. Mais à la manière dont eux on les mettra en scène, non. Et Lucie Aubrac, c'est intéressant parce que là, l'extrait que vous venez de projeter, il y avait en arrière-plan la musique de l'Armée des Ombres. Et évidemment, elle est un des personnages centraux de l'Armée des Ombres avec le personnage de Mathilde. C'est pas exactement Lucie Aubrac, mais quand on lit le roman, il y a des pages entières où on voit que ça colle à sa trajectoire. Vous savez que Kessel était à Londres, qu'il a vu arriver les chefs de mouvement qui venaient de la France occupée. Ils lui ont raconté toute une série d'anecdotes dont les aventures de Lucie Aubrac, et en fait, Kessel a amalgamé tout ça et a fait ces personnages assez extraordinaires de l'Armée des Ombres. Évidemment, Lucie Aubrac, actrice, ne peut pas se penser comme ça. Et quand elle arrive à Londres en février 1944, elle est vraiment très étonnée par le retentissement qu'a son arrivée. Elle est accueillie par les Français libres comme une véritable héroïne. Et elle change tout à coup de dimension et elle n'est pas très à l'aise avec ça. Parce qu'on fait d'elle une sorte de porte-étendard, elle comprend la nécessité de le faire, elle parle à la BBC, mais au fond, elle est très surprise elle-même de la résonance que prend son action. Et puis, la grande vadrouille ne pose aucun problème, en fait, pour les anciens résistants, les résistantes. Sylvie Lindeperg, le film, en fait, n'a pas d'aspérité qui pourrait porter à la polémique. C'est un film familial, populaire, qui joue sur les ressorts de la comédie, sur une toile de fond qui est celle de l'occupation. Oui, aucune aspérité, comme vous l'avez souligné. C'est vraiment la continuité du succès du Cornio, hein, avec le même attelage, hein, Bourvil et Louis de Funès. Et transposé dans le décor de l'occupation. Et on remarque, et on l'a entendu dans la séquence que vous avez choisie, que c'est toujours un attelage très particulier entre un personnage infantilisé, c'est celui d'Augustin Bourvil, et puis un autre d'un niveau social plus élevé et qu'il exploite en permanence, c'est évidemment le personnage de Louis de Funès, de Stanislas. Et on retrouve ça dans Babette s'en va en guerre. Et d'une certaine manière, c'est ce conflit qui est résolu toujours à la fin des films par des séquences de rire. Et d'une certaine manière, c'est la mise en abîme du rire permet d'expliquer la fonction de ces comédies sur la résistance. C'est une fonction de réconciliation. D'une certaine manière, hein, à la fin de Babette s'en va en guerre, le jeune couple, hein, c'est en plus interprété par Jacques Charrier, qui était le fiancé de l'époque de Brigitte Bardot, et qui est parti faire une dangereuse mission en France occupée, revient et ne se voit pas attribuer de récompense alors que c'est l'officier britannique qui la reçoit et donc pour se venger lui offre un cigare explosif et ce cigare explose évidemment et le couple part en riant. Babette d'une certaine manière a réussi à entraîner son compagnon d'un niveau social plus élevé dans le monde enfantin et ce qui est celui du rire aussi. Et on trouve la même chose à la fin de La Grande Vadrouille avec la fameuse scène des planeurs. Et ça nous dit aussi ce que les réalisateurs vont placer dans cette idée d'utiliser le rire. C'est vraiment à la fois on affiche quelque chose d'un peu une subversion, disons burlesque, de tous les clichés de l'imagerie épique de la résistance, et dans le même temps une conservation du mythe héroïque, parce que dans La Grande Vadrouille, tout le monde est résistant ou aide la résistance, il n'y a même pas un traître pour le coup, et la scène du rire, c'est un peu celle du carnaval à la fin, ce qui permet de conserver la logique des possessions, la hiérarchie et en même temps la légende héroïque. Ces films-là sont vraiment des films qui, sur un mode différent, vont permettre encore d'enraciner, mais peut-être pour des générations plus jeunes, cette légende héroïque qui a encore la vie dure dans les années 60. Donc ça, c'est un point important pour ce film-là. Et puis, en même temps, il cohabite en effet avec des... on a entendu la musique de L'Armée des Ombres, qui est un film beaucoup plus spectral, et qui, c'est aussi un dialogue avec les morts, hein, d'un réalisateur qui est prouve de la nostalgie pour cette époque. Il ouvre le film en disant mauvais souvenir, vous êtes, je sais plus exactement la citation, mais en gros, vous êtes ma jeunesse lointaine. Donc il y a cette notion de nostalgie qui est affirmée par Melville, et c'est le dernier film qui sort juste après le départ du général de Gaulle et qui va clôturer ce moment où les réalisateurs s'emparent d'un sujet avec lequel ils entretiennent un rapport très étroit. Sylvie Lindeberg, Les écrans de l'ombre, la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969, c'est votre ouvrage. Ben 69, vous venez d'expliquer hein, pourquoi cette date de fin. On sent que là encore, il y a une rupture. Il est certain qu'au moment de représenter le tragique de l'occupation, l'interrogatoire par exemple, il y a plein de manières de le faire. Et il y a, ben, tel que le fait, La Grande Vadrouille. Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis major. Excusez-moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On ne va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors. Alors voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Excusez-moi. Peter. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Il y a une petite erreur, Major Harbach. C'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal? Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, alors, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans du coup. Quatre ans. Il est sur le sol. Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Et tous, ils crachent sur livre, et tous, ils crachent sur livre. Voilà. Un extrait de La Grande Vadrouille où De Funès évoque qu'il est né en 14, ce qui est vrai, il y a beaucoup d'improvisation hein, dans ce moment de l'interrogatoire. Laurent Douzou, ici, eh bien, c'est un peu à l'image de l'ensemble du film, c'est-à-dire que c'est une scène de comédie avec les onomatopées, évidemment la gestuelle, les grimaces, les improvisations. Il y a un officier allemand ici, mais... En soi, cela ne pose pas de problème au rire ou même au message apporté, parce que ce n'est pas tant le propos que cela. Non, à mon sens, c'est pas du tout le propos. Si on veut voir des interrogatoires et en voir tout l'aspect tragique, il faut regarder L'Armée des Ombres. Il faut voir Félix ou Jean-François. Il faut voir la séquence de la pilule de cyanure. Ils sont deux, il n'y en a qu'une. Et tout ça est suggéré, on montre en réalité très peu de choses, très peu de violence dans L'Armée des Ombres, mais elle est sous-jacente, elle est tout le temps là, et c'est littéralement terrifiant. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là, là, on est dans le registre du dialogue, bien mené, rythmé, avec des contrepoints, avec le talent de chaque acteur. D'une certaine manière, c'est vraiment un interrogatoire fantasmé, loufoque, et ça a sa fonction, puisqu'on n'est pas là pour dire c'est pas comme ça que les choses se passaient, ça serait ridicule. dans le cadre de cette comédie, ça fonctionne parfaitement. Mais évidemment, c'est complètement détaché de la réalité historique telle qu'elle est advenue. Dites-nous, Sylvie Lindeberg, à quel moment la comédie se saisit de ce sujet-là, la Seconde Guerre mondiale, et comment s'y apporter des critiques? Tout à l'heure, Laurent Douzou évoquait le film « Papy fait de la résistance » de Jean-Marie Poiret, donc on est en 1983. Est-ce que là, on peut dire, tiens, il commence à y avoir une évocation des débats qui existent au sein même de ce qui était la résistance? Oui, avec... Papy fait de la résistance, on a deux processus qui se rencontrent. D'abord, le film va prendre en compte les évolutions de la mémoire, l'émergence de sujets qui avaient été complètement occultés par le cinéma et la mémoire officielle, à savoir la collaboration d'État, la présence des miliciens, l'antisémitisme. Et dans le même temps, c'est un film qui, on parlait tout à l'heure de génération, fonctionne très largement sur la logique de la citation cinématographique. On s'est éloigné de l'événement et il faut rappeler que Jean-Marie Poiret, je crois, est né en 1945. Et qu'il est le fils du producteur Alain Poiret, qui a produit un certain nombre de ces fictions dont on parlait. Et que sa mémoire est une mémoire cinématographique, une mémoire d'emprunt, qui est tissée de différentes couches de représentation, qui va mélanger. On a aussi bien des références au Père Tranquille que au cinéma rétro des années 70, hein, après le tournant du Chagrin et la Pitié, qui n'a rien à voir avec la vague rétro, mais qui marque ce changement, et puis cette parodie. Alors on retrouve aussi tous les gags des comédies des années 60 dont on vient de parler, et enfin cette parodie de la grande messe télévisuelle des dossiers de l'écran. Donc il y a ce parasitage des événements par des couches de représentation dont joue Poiret dans une espèce de plaisir de la citation. Dans Papy fait de la résistance, il y a le film bien sûr, et il y a ce bonus au film, mais qui fait partie du film, c'est-à-dire, comme c'était le cas dans l'émission Les dossiers de l'écran, le film s'arrête et il y a un débat. Nous sommes en 1983, mais Laurent Douzou, ce débat dont Papy fait de la résistance ne sort pas de n'importe où. Non. Il y a une vraie évocation à ce qui s'est réellement passé avec des vraies oppositions entre d'anciens résistants. C'est une caricature d'une émission des dossiers de l'écran de 1977 où on a vu s'opposer violemment deux compagnons de la Libération, rien que ça, qui étaient Daniel Cordier et Henri Freinet. Alors c'est intéressant parce que dans Papy fait de la résistance, les gens qui sont avertis comprennent qu'on met ça en scène et qu'on le caricature. Je suis pas sûr que le spectateur, lui, comprenne qu'on fait référence à ça. Mais c'est très intéressant parce que là, je crois qu'on entre dans le... C'est une comédie très grinçante. C'est-à-dire que là, on parle plus de la résistance, on parle de la mémoire de la résistance et du travestissement que cette mémoire subit. Et donc, la résistance commence à être vue potentiellement comme le domaine, comment dire, du double jeu... De choses qui sont pas absolument claires, de gens qui se présentent comme des héros alors qu'ils ne l'ont pas été, ce qu'on retrouvera dans un peu plus tard dans un héros très très discret. Un héros très discret. De 1996. Donc là, pour moi, il y a un tournant qui s'opère. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le registre de la comédie qu'on peut situer à n'importe quelle époque et qui prend l'occupation comme contexte. Là, on a une espèce de post-scriptum qui nous dit il faut se méfier beaucoup de la parole des témoins. Et ils reconstruisent en permanence. Et il y aura un écho à ça dans le débat historiographique ensuite avec la question de la place du témoin. Donc là, il y a vraiment un tournant qui s'opère. Un tournant qui s'opère avec tous ces films qui évoquent cette période complexe, celle de la Seconde Guerre mondiale. Soldaten, was für eine Bande ! France Culture. Schnell, also, schnell ! C'est vous qui faites ce raffi ? Le cours de l'histoire. Mais madame, c'était pour rendre service. A-t-on idée de gueuler dans une maison à une heure pareille ? Vous croyez à la caserne ? Xavier Mauduit. Qu'est-ce que c'est encore ? C'était un extrait de la 7e compagnie. Mais où est donc passée la 7e compagnie de Robert Lamoureux en 1973 ? Sylvie Lindeberg, il y a dans cette longue histoire, nous le sentons bien, des films comiques dont le procédé comique l'emporte sur tout, ce qui explique d'ailleurs le succès de La Grande Vadrouille jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, vous écrivez une histoire de ce cinéma qui représente ces moments-là. Chacun de ces films apporte sa petite pierre. La Grande Vadrouille, c'est le cas aussi avec le personnage de Louis de Funès, Stanislas, qui pourrait être un peu collabo, mais qui ne l'est pas parce qu'il est résistant. Mais voilà, à chaque fois, c'est cette mémoire qui se construit peu à peu sous nos yeux au cinéma. Oui, alors pour ce qui concerne la Grande Vadrouille, hein, je crois que c'est un film aussi qui assume d'être complètement décalé par rapport à la réalité historique. Je pense en particulier à la scène qui est signifiée par cette scène de la ligne blanche tracée au milieu de la route. Donc, on affiche le fait qu'il n'y a aucune volonté de reconstituer une période. Et on l'a entendu dans l'extrait précédent, la scène d'interrogatoire. Bon, d'abord, elle est jouée par un officier qui est un officier de la Wehrmacht, c'est pas la Gestapo, et d'une certaine manière, là encore, il y a une volonté de subvertir le cliché non plus épique, mais celui hein, des scènes pathétiques qu'on a pu voir dans l'immédiate après-guerre. Et puis il n'y a pas vraiment de méchants. Ils sont plus bêtes que méchants les Allemands dans La Grande Vadrouille. Et ça, moi, ça m'évoque aussi le succès d'Astérix qui naît en 58 au moment dans Pilote, au moment où le général de Rougle arrive au pouvoir. Et c'est un peu cette idée du village des irréductibles, plein de défauts, mais en même temps brave et plein de bon sens, qui rêve à la fois de festoyer et de donner des baffes aux Romains. Et c'est un peu cet univers-là, de mon point de vue. Sylvie Lindeperg, vous êtes professeure à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, les écrans de l'ombre, bien sûr, qui étudient le cinéma français pendant la guerre. Nuremberg, plus récemment, la bataille des images. Toutes ces questions d'image nous obsèdent. Vous en rendez compte, vous aussi, Laurent Douzou, parce que spécialiste de cette histoire-là. Nous voyons combien, en fait, il n'y a pas une histoire linéaire de ces images-là. C'est une histoire multiple, extrêmement complexe. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que vous racontez, c'est la conscience des Français, des Françaises. Au moment où on leur présente une France entièrement résistante, vous dites, non mais les gens savaient. Enfin, il y a un décalage entre le ressenti et puis ce qui est présenté sur les écrans. Oui, de toute façon, on voit bien. On parlait tout à l'heure de légende héroïque. La légende héroïque, elle a pour fondement le légendaire que secrète la résistance entre 40 et 44. La résistance entre 40 et 44 n'est pas une force militaire de premier ordre. Donc, d'où vient sa force? Du légendaire qu'elle secrète petit à petit. Et ensuite, il va y avoir une grande difficulté. C'est comment on pense ce légendaire quand la libération arrive et quand on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a toujours cette conscience aiguë chez les Français, à mon avis de l'époque jusqu'à aujourd'hui, du caractère ultra minoritaire de la résistance. Ça ne veut pas dire du caractère ultra marginal. Cette résistance petit à petit, elle s'est ancrée socialement. Mais elle n'a jamais compté une majorité de gens. Et du coup, cet exemplaire, et ça justifie une question qu'on entend, que vous avez dû entendre et que moi j'entends souvent, c'est qu'est-ce que moi j'aurais fait? Aurais-je été résistant ou collaborateur? On le pose comme ça de façon très simpliste. Cette question-là ne se pose pas si on admet que tout le monde plus ou moins a été résistant. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que la conscience aiguë que la résistance, c'est un acte d'élite, comme aurait dit Maurice Aguilon, cette conscience-là, elle a toujours été partagée, je dirais, de 40 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important de le rappeler. Merci vraiment à tous les deux, hein, Sylvie Lindeperg, pour cet éclairage sur la Grande Vadrouille. Mais à partir de la Grande Vadrouille, nous pouvons aller beaucoup plus loin, jusqu'à Nuremberg, hein, la bataille des images que vous publiez chez Payot. Et merci aussi beaucoup Laurent Douzou, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Lyon. Et alors, vos ouvrages, hein, Le Moment Daniel Cordier, qui est publié aux éditions du CNRS, Découvrir le programme du CNR. Ah ben ça, c'est pas mal de cette lecture à rafraîchir toujours. Et puis La lutte clandestine en France, qui est publiée en poche. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Les Lapones étaient-elles de mœurs légères? Dans un ouvrage publié en 1684, François Bernier fut le premier à classer les êtres humains en différentes races. Parmi elles figuraient ceux qu'il appelait les Samis, plus connu sous le nom de Lapons. Ce peuple s'imposa alors dans l'imaginaire des Européens pour y figurer en bonne place jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'intérêt des élites pour les Lapons fut décuplé lors de l'expédition en Laponie organisée en 1736-37 par le philosophe astronome Pierre-Louis de Maupertuis sous l'égide de l'Académie des sciences de Paris. Le but était de mesurer la longueur d'un arc polaire en le comparant avec un arc équatorial afin de déterminer la forme exacte de la Terre. Alors que les émules de Descartes affirmaient que la Terre était bombée au niveau des pôles, Maupertuis voulait prouver que, comme Newton l'avait établi, les extrémités polaires de la Terre étaient aplaties. Pendant son séjour en Laponie, Maupertuis se lança dans une véritable campagne publicitaire en multipliant les courriers afin que son expédition alimente les conversations dans les salons parisiens. Étant donné qu'à cette époque, la science faisait encore bon ménage avec la littérature, il intégra dans ses récits des descriptions piquantes sur les Lapones aux mœurs légères, confortant ainsi les préjugés ambiants sur une société où le partage des femmes aurait été coutumier. Dans l'une de ses lettres, il évoqua même sa bien-aimée Lapone en lui dédiant ses vers. « J'avais perdu ma Christine dans la neige. » Amour, voulais-tu m'éprouver? Christine dans la neige, hélas! Comment pouvais-je espérer de la retrouver? Enfin, de tous côtés, j'avais cherché ses charmes. J'étais transi de douleur et de froid, quand mes yeux, à travers mes larmes, aperçurent certains endroits où la neige semblait et plus blanche et plus fine. J'y courus, c'était ma Christine. L'expédition ayant été un véritable succès, Maupertuis revint en France auréolé de gloire. Il mit habilement en scène ses résultats qui confirmaient Newton, tant à l'Académie des sciences que dans les salons parisiens. Grâce à cette soudaine célébrité, il devint membre de la quasi-totalité des sociétés scientifiques d'Europe. Mais à l'automne 1738, un an et demi après le retour de l'expédition en France, coup de théâtre. La fameuse Christine, la chérie Lapone de Maupertuis, débarqua à Paris, accompagnée de sa sœur. Les deux Lapones suscitèrent une formidable curiosité dans les salons où l'on cause. Et l'on s'aperçut bien vite qu'elle n'était nullement Lapone, mais fille d'une famille bourgeoise de marchands finlandais. Christina Planström, c'était son vrai nom, avait été séduite et abandonnée par Maupertuis, et sa sœur avait connu le même sort, abusée par un autre membre de l'expédition. Le mythe des femmes Lapones sexuellement libérées masquait en réalité la domination des mâles savants de l'Académie des sciences de Paris. Christina resta en France, à la merci de Maupertuis, qui en usa comme des choux de son jardin, rapportent des témoignages de l'époque. En 1742, son état mental devenant incertain, Christina Planström fut placée dans un couvent où elle demeura jusqu'à sa mort le 29 juillet 1790. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de juifs étrangers. Ils étaient enfants quand la police française est venue les arrêter chez eux, avec leur famille, ce jeudi de juillet où il n'y avait pas école. Perrine Kervran. Désormais nonagénaires, ils n'ont pas oublié cette rafle du Veldiv et ils nous racontent ce crime organisé par l'État français et comment ils y ont survécu. On frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence. Ouvrez, police. Les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. La rafle du Veldiv, un crime français, par Alain Lefkovitch, LSD, la série documentaire. 8 épisodes déjà disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.